Aujourd'hui, on regarde Perspective 2012 avec Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec en première demi-heure, et la chronique de Nicole Moreau en seconde partie d'émission. Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je suis très contente de vous retrouver à cette nouvelle édition, donc la première du Grain de sable d'Attaque Québec en 2012, en ce magnifique 7 janvier. Alors j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Alors pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous écoutent, je vous rappelle, le Grain de sable, c'est un magazine socio-économique, donc on parle de ce qui se passe ici, mais également d'ailleurs, avec de la musique engagée. Alors tout ceci est réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Alors, on connaît bien le nom d'Attaque Québec. C'est maintenant Michel Monette qui est l'heureux élu pour assurer la réalisation de l'émission en remplacement de Cédric Leterme. Alors, comme je vous le mentionnais, aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Puis, ce sera la chronique de Nicole Moreau en seconde partie. Mais d'abord, une petite surprise. On a au bout du fil Cédric Leterme. Cédric qui, comme vous le savez peut-être, a fait le choix de retourner en Belgique. Alors, bonjour Cédric. Oui, bonjour. Ça va bien? Bonjour, oui, bonne année. Alors, comment ça s'est passé le retour en Belgique? Écoute, bien, on est un peu pour l'instant, je fais un peu dans la nuit, la semaine, etc., mais c'est bon. Ah oui, donc, excellent. Alors, tu vas être notre correspondant outre-mer cette année. Oui. Et oui, alors tu vas pouvoir être un témoin privilégié de ce qui se passe en Belgique. Et puis en Europe aussi, hein, c'est ça, c'est l'idée, c'est vraiment d'essayer de donner un petit aperçu un peu plus près de ce qui se passe ici, parce qu'on sait bien qu'en Europe, on en a beaucoup parlé, hein, on est vraiment au cœur de la crise pour l'instant. Mais il ne faut pas croire que ça concerne que l'Europe, ça concerne vraiment le monde entier, puis le Québec aussi. Bon, non seulement à cause des conséquences que ça peut avoir pour notre pays, puis pour la situation de l'économie mondiale, mais aussi parce que les causes qui ont créé la crise en Europe sont les mêmes, et on les retrouve un petit peu partout, notamment au Québec, même si ce n'est pas dans la même ampleur. Donc c'est intéressant de savoir ce qui se passe ici, comment on affronte ces défis-là, puis pour en tirer des leçons aussi pour l'Europe. Tout à fait. Est-ce que tu as pu voir un petit peu un témoin de quelque chose depuis ton arrivée là-bas? C'est sûr qu'ici en Belgique, il y a un gouvernement qui vient d'être formé et qui est adopté directement dans la foulée après l'austérité comme on l'a appliqué avant. Donc là, on voit vraiment que les combats se retrouvent et puis se multiplient à travers tous les pays d'Europe. Donc la rentrée va être assez orientée ici, il y a plusieurs gaz de prévues, puis on va un peu suivre tout ça, mais aussi tout le moment pour la création d'un mandat de citoyen de la dette qui est en train de se mettre en marche et qui est très actif, notamment via le CADPAL, dont on a beaucoup parlé aussi, qui a été basé justement à Marge. Donc, David a été de la ville, mais il va m'appliquer là-dedans, et puis je pourrais essayer de vous donner un petit compte rendu de comment ça avance, en quoi ça consiste aussi, puis de vous donner des idées pour là-bas. Oui, excellent, on va en avoir des besoins, c'est sûr. Et le mouvement des indignés? Pour l'instant, aussi, comme chez nous, en Belgique, on a mal pris de toute façon. C'était surtout à Bruxelles, à Liège, ils avaient été évacués assez vite. En Espagne, on a fait un petit repli stratégique pour le printemps. En France, ça a démarré, puis ça s'est un petit peu calmé aussi pour l'instant. Donc, à mon avis, ça va se passer un petit peu comme en Amérique du Nord, c'est-à-dire que les gens se regroupent, récupèrent, refont un petit peu le bilan sur quels sont les meilleurs modes d'action, etc. Puis ça va repartir en Amérique du printemps. Bonjour Cédric. Tu m'entends? Bonjour. Alors, bien content de t'entendre et on a bien hâte aussi d'entendre ce que tu auras à nous dire à partir de chez toi en Belgique. Merci. Nous aussi. Alors, merci Cédric, c'est un plaisir d'avoir pu te parler aujourd'hui et c'est déjà le moment de te dire au revoir et à bientôt. Au revoir. Bye. Alors, c'était Cédric Leterme en direct de l'Europe, d'où il nous fera désormais une chronique mensuelle. Alors voilà, c'était donc Ceux qui disent non par Michel Buller au grain de sable sur CKRL 89.1. Nous enchaînons maintenant avec la chronique de Nicole Moreau, donc qui vient nous parler de sa lecture du temps des fêtes. Alors bonjour Nicole. Bonjour. Alors je te souhaite, te souhaiter la bonne année. Alors c'est ta première chronique en 2012. Merci, oui, c'est la première chronique. Quel sujet as-tu voulu nous parler aujourd'hui? J'aurais aimé ça parler du sujet sur lequel porte un livre que j'ai découvert pendant la période des fêtes. Il me semblait tout à fait adapté à la conjoncture économique et financière dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle, que ce soit au Québec, au Canada, en Amérique, mais aussi en Europe. Oui, alors quel est donc ce livre associé au monde de la finance auquel tu fais référence? Il s'intitule « L'autre finance. Existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste? » Il s'agit d'un livre très récent puisque publié en Europe en octobre 2011. J'aimerais en parler rapidement et mais donner aussi certains exemples d'institutions de finances solidaires dont l'économie sociale s'est dotée au Québec depuis la fin des années 90. Donc, pas associées au livre, mais dans la même logique. Soit le Réseau d'investissement social du Québec, d'une part, et d'autre part, la fiducie du chantier de l'économie sociale. Donc, je comprends, c'est vraiment des acteurs importants là, dans l'économie sociale au Québec, là, c'est bien ça? Oui, c'est de la finance autrement. OK, excellent. Oui, le mot est en vol. Oui, tout à fait. Par M. Rioux. Alors, ça sert effectivement à adapter au contexte actuel. Pouvez-vous nous en dire davantage? Les auteurs de ce livre, Daniel Bachet et Philippe Nazalaï, excusez mon accent, c'est peut-être pas terrible, mais enfin, se sont penchés sur la finance solidaire et certaines des formes que celle-ci peut prendre. On pense à la banque coopérative, au microcrédit, à la microfinance, par exemple, pour apporter le soutien nécessaire à des initiatives économiques à forte utilité sociale. Cette finance solidaire contribue ainsi au développement durable et local. Bon, alors, on aime ça aussi. Les finances solidaires, c'est quelque chose qu'on concept qu'on entend moins. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette finance solidaire est une finance de proximité? Effectivement, c'est ce que les deux auteurs, Bachet et Nazalaï, estiment. Et qu'est-ce que c'est la finance de proximité? Alors, si je pense aux principes sur lesquels s'appuie cette finance, c'est des valeurs de démocratie, c'est-à-dire, par exemple, une personne a une voix, mais aussi sur la patience, c'est-à-dire le capital long terme, et le risque partagé. Globalement, il s'agit des idées qui créent du lien social et qui aident à vivre mieux. Donc, on aime ça aussi. Donc, une personne, on voit ce qu'une personne a donc son droit de vote, comme tu as dit. Exactement. OK. Donc, lors de la prise de décision, donc. Oui. D'accord. Donc, il existe grosso modo deux types d'institutions de la finance solidaire, alors, semble-t-il. Alors, les banques coopératives et celles qui font de la microfinance. Pourriez-vous en illustrer? Oui, à titre d'exemple, au Québec, tout le monde connaît le mouvement Desjardins. Oui. Effectivement, oui. La grande majorité d'entre nous, on a un compte dans une caisse populaire. Tout à fait. Les institutions de microfinance, pour leur part, s'organisent selon leur conception du microcrédit, entrepreneurial ou inclusif. Donc, il y a deux tendances. L'objectif est soit le développement de micro-entreprises, soit la création de liens sociaux. Cela a des conséquences sur la stratégie de prêt. Et qui est alors accordé aux micro-entrepreneurs, soit à des personnes exclues socialement. À l'instar de toutes les autres organisations, les choix stratégiques des institutions de microfinance sont influencés par les objectifs économiques qu'elles se fixent. De façon générale, ils visent l'équilibre entre le développement économique permettant la pérennité de l'entreprise et la préservation du projet initial et des principes coopératifs, notamment la proximité et la démocratie. Alors, ces institutions de finances solidaires, donc, on vous disait, le mouvement Desjardins en fait partie. Donc, dans leur affaire, des défis importants, là, quand même. Si on les compare aux banques, c'est pas du tout la même chose. Pouvez-vous les évoquer rapidement? Rapidement, il s'agit de la professionnalisation des personnels de ces institutions afin de viser leur autonomie financière. Alors, là, on parle pas de Desjardins, bien évidemment, mais des institutions de microcrédit. Quant aux banques coopératives, elles doivent pouvoir mieux communiquer sur leur performance et enfin gagner une visibilité, en visibilité plutôt, pour influencer les politiques mises en œuvre. D'autre part, d'autant que la microfinance est en voie de devenir un enjeu, en tout cas, au moins pour les politiques européennes. Donc, ça va même au niveau international. Là. Tout donc, à fait. Et puis, si on revient au contexte québécois, vous avez mentionné qu'il y a deux institutions de financement solidaire qui avaient été mises en place à la fin des années 90. Donc, vous aviez parlé du Réseau d'investissement social du Québec et l'autre... Le défi du CIE, du chantier de l'économie sociale. Excellent. Alors, donc, pouvez-vous nous en donner un petit peu plus là-dessus? Oui. La mission du RISC, c'est le Réseau d'investissement social du Québec. Le RISC. Le RISC, c'est de rendre accessible un financement adapté à la réalité des entreprises d'économie sociale, qu'elles soient des organismes à but non lucratif ou des coopératives. Les valeurs mises de l'avant par le RISC sont celles associées généralement à l'économie sociale, c'est-à-dire, c'est des choses dont j'ai déjà parlé dans des chroniques antérieures, la primauté de l'humain et de l'emploi sur le capital, la prise en charge individuelle et collective, le processus de décision démocratique, la production de biens et de services socialement utiles. Donc, on peut dire que le RISC soutient des projets, production de biens ou de services à finalité sociale, qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie et au développement des collectivités, et ce, dans un grand nombre de secteurs d'activité. Très important, ça, de remettre ça en valeur, mettre en les valeurs, c'est ça, la primauté de biens de l'emploi sur le capital, prise en charge individuelle et collective, processus de décision démocratique, hein, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. C'est pas l'économie telle qu'elle est véhiculée dans les médias de façon générale. Oui, production de biens, de services socialement utiles, donc on va vraiment la notion de bien commun. Tout à fait. Très intéressant. L'intérêt public, l'intérêt des collectivités. Plus concrètement, pouvez-vous dire combien de projets le RISC, donc le Réseau d'investissement social du Québec, a soutenu depuis sa mise en place en 1997? Les chiffres qu'on retrouve sont jusqu'en 2009. Donc, il y a peut-être des projets additionnels, probablement, qui ont été soutenus depuis 2009. Le RISC a soutenu donc entre 1997 et 2009, sur 12 ans, 577 projets et a investi 13 millions de dollars, ce qui a contribué à l'emploi de plus de 5800 personnes, postes permanents, occasionnels ou d'insertion. Oui, oui, écoutez, c'est vraiment phénoménal. C'est phénoménal de ces beaux chiffres-là. Alors, avez-vous des fois en tête des projets là, qui ont... Là, on peut aller notre sur le site, on peut aller voir sur le site, oui, hein? Oui. Excellent. Oui. Donc, on va peut-être faire une petite pause musicale avant de poursuivre notre entretien avec Nicole Moreau, qui nous parle justement d'économie sociale et plus de la finance solidaire. Alors, à tout de suite. J'ai quand t'es grêlons, je suis baigné chez nous à couvert. Y'en a ben assez que j'en arrache à rester debout sous mes deux pieds. Pour marcher sur le plancher des vaches, j'irai pas en ce qui met trois pieds. Ils marchent embarqués sur de plaintes avec l'air de s'évertuer. À se faire glisser à toute éteinte comme s'ils avaient envie de se tuer. Les skieurs se promènent en culotte, y'en a qui ont l'air des échalotes. Pis d'autres qui sont tellement boulottes qu'on a peur qu'elles volent en éclats. Oui, y'en a ben qui ont une charpente à se demander si c'est certain qu'elles feront pas écrouler le mont bord en embarquant un bon matin. Va-t'en faire du ski, si tu balades dans nos pieds. Va-t'en faire du ski, si t'as des tatous de ski. Va-t'en faire du ski, si tu cruises les sportifs. Va-t'en faire du ski, si t'aimes pas la poésie. Va-t'en faire du ski, si tu te balades dans nos pieds. Va-t'en faire du ski, si t'as des tatous de ski. Va-t'en faire du ski, si tu cruises les sportifs. Va-t'en faire du ski. Y'a bien des skieurs qui vont en faire se promener dehors malgré le nordais. Pis donc ils font du ski chassé, bien confortable dans le chalet. Des jeunes vont se porter loin de la ville en disant c'est pour faire du ski. Mais y'en a qui sont moins habiles sur ski que ces verres de whisky. Les vrais skieurs c'est petit nombre, les autres restent à l'hôtel au chaud. C'est-il ça comme dirait Val d'Ombre, une histoire des pays d'en haut. Une histoire des pays d'en haut. C'est-il ça comme dirait Val d'Ombre, une histoire des pays d'en haut. Si tu te balades dans ton pied, va t'en faire du ski. Si t'as des tatous de ski, va t'en faire du ski. Si tu crouses les sportifs, va t'en faire du ski. Si t'aimes pas la police, va t'en faire du ski. Si tu te balades dans ton pied, va t'en faire du ski. Si t'as des tatous de ski, va t'en faire du ski. Si tu crouses les sportifs, va t'en faire du ski. C'était les skieurs de Mick, Félix et Maxime Robin ici au Grain de Sable. Alors, vous pouvez retrouver cette chanson de la compilation « Je rappe tout seul quand j'arrache », une compilation dans laquelle les rappeurs et beatmakers mettent des poèmes de Jean Arrache, donc Émile Godard, qui a vécu jusqu'en 1970, au profit du magazine L'Itinéraire. Alors, vous pouvez aller voir l'article paru dans la presse. Donc, vous venez d'écouter ça, tout ceci sur CKRL 89.1. Alors, je suis de retour avec Nicole Moreau, alors dans sa chronique d'économie sociale, et qui nous parle de la finance solidaire, et plus particulièrement dans le contexte actuel québécois. Alors, vous évoquiez tout à l'heure... le réseau d'investissement social du Québec et la... Oui, la deuxième institution dont on a annoncé qu'on parlerait, c'est la fiducie du chantier d'économie sociale. Oui, donc c'est ça. Donc, juste pour redire, donc c'était vraiment le réseau d'investissement social du Québec dans lequel on parlait. Et là, maintenant, donc, c'est sur la fiducie du chantier d'économie sociale qu'on s'en va. Alors, qu'est-ce que c'est que le chantier, la fiducie du chantier d'économie sociale? Bien, si on peut penser, par exemple, à la mission de la fiducie, c'est de favoriser l'expansion et le développement d'entreprises collectives en améliorant l'accès au financement et en assurant une meilleure capitalisation des entreprises d'économie sociale. La fiducie offre aussi bien à des organismes sans but lucratif qu'à des coopératives des prêts sans exigence de remboursement avant 15 ans, donc le capital patient dont on parlait tantôt, ce qui permet de soutenir les opérations et d'appuyer les investissements immobiliers. Ah, c'est excellent ça! Donc, quand on a des projets là, comme les coopératives, tout ça, donc puis les OSBL aussi, donc peuvent aller frapper à la porte de la fiducie, dans le fond, pour obtenir des prêts. Tout à fait. Si je comprends bien. C'est très intéressant. Oui, tout à fait. La politique d'investissement de la fiducie, est-ce que ça prévoit des modalités quant aux demandes de soutien financier au-delà du fait qu'il s'agit d'une institution dédiée aux entreprises d'économie sociale? Oui, quand on pense aux prêts que la fiducie peut accorder, c'est-à-dire entre 50 000 et 1,5 million de dollars, c'est ah, oui. important, mm-hmm. effectivement, de préciser que certains types de projets ne peuvent pas être considérés, de même que certaines entreprises. C'est donc pas ouvert à tous. Non, non, non. La fiducie ne peut financer des activités ayant comme conséquence la substitution d'emplois occupés ou devant être occupés par des employés, des salariés du secteur public. Ça veut dire que effectivement, une entreprise publique ne pourrait pas se départir de ses responsabilités pour les donner à une entreprise d'économie sociale ou pour que une entreprise d'économie sociale prenne la place de cette organisation du secteur public. Donc, la fiducie ne peut pas non plus apporter un soutien financier à des entreprises dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres du conseil d'administration. Donc, on ne peut pas penser que Hydro pourrait être subventionné par la fiducie. Gros exemple, mais quand même. Des entreprises dont le personnel doit être nommé selon la loi sur la fonction publique. Effectivement, admettons un conseil ou un sous-emploi du conseil, une soumission d'un conseil ne pourrait pas être remplie par une entreprise d'économie sociale. Des entreprises dont le mandat consiste à gérer un programme relevant du gouvernement du Québec. Par exemple, les Carrefour Jeunesse Emploi qui s'occupent de l'aide à la jeunesse en difficulté ne pourraient pas avoir de soutien financier de la fiducie ou des centres locaux de développement. Des grosses entreprises non plus de 200 employés et plus. Donc, la coop des jardins ne peut pas avoir. la coop fédérée, peut-être moins connue, mais qui a quand même, semble-t-il, jusqu'à plus de 60 000 employés au Québec. Donc, il y a quand même certaines normes à respecter là, pour pouvoir avoir accès à des prêts. Tout à fait. C'est des petites entreprises, mais qui ont le vent dans les voiles. Ça, je suppose aussi que ça aide pour le développement local, le développement économique local. Ça aide énormément. Puis combien de projets la Fiducie a-t-elle soutenu? La Fiducie a apporté un soutien à 73 entreprises d'économie sociale œuvrant dans différents secteurs d'activité et différentes régions du Québec. Elle y a consacré près de 22 millions de dollars, montant qui a généré des investissements totaux de près de 180 millions de dollars. Cela permettra la création et la consolidation de plus de 1500 emplois et de 90 postes en insertion. Est-ce que les acteurs de la finance solidaire partagent les préoccupations européennes dont on a parlé un peu plus tôt? Oui. C'est le cas si on évoque le fait que la CAP finance, là, j'ai cherché c'est quoi le sigle, je ne peux pas le dire. C'est connu comme ça sur les sites internet que j'ai parcourus. Je suis désolée. La CAP finance a récemment été mise en place par un groupe d'institutions financières engagées dans l'économie sociale et le développement durable. Alors, on pourra en parler davantage après ces quelques publicités, ma chère Nicole. Alors, merci pour cet entretien. On poursuit tout de suite après la pause. Au retour, Nicole Moreau. Oui, alors de retour au grain de sable avec Nicole Moreau. Donc, on poursuit cette émission jusqu'à 13 heures. C'est Valérie Blouin qui vous parle. Et comme je disais, je suis en compagnie de Nicole Moreau avec qui on discutait de la finance solidaire, là, plus particulièrement. Donc, nous avons parlé des projets dont des acteurs importants au Québec. Donc, le réseau, pour le rappeler, donc, encore une fois, le Réseau d'investissement social du Québec et la fiducie du chantier de l'économie sociale. Qui a quand même beaucoup investi dernièrement, en tout cas dans les dernières années, là, quand même, soutient quand même 73 entreprises d'économie sociale, tu me disais tout à l'heure. La fiducie, oui. Et puis ça crée des emplois. Tout à fait. Le réseau, le risque aussi, c'est des plus petites entreprises qui ont été subventionnées par le risque. Le réseau, la fiducie également. Et je trouvais ça intéressant de parler de la CAP Finance parce que c'est effectivement comme un réseau d'institutions financières à vocation de financement solidaire. Alors, si je me penche sur la mission de cette CAP Finance, c'est de développer et de promouvoir la finance solidaire et le capital de développement auprès du grand public et d'améliorer l'expertise des professionnels de la finance responsable. On ouvre un peu plus que sur l'économie sociale quand on pense à la finance responsable. Tout à fait. Alors, ça va être un groupe à se renseigner avec le CAP Finance. Oui. Et puis, vous parlez d'un groupe d'autres acteurs œuvrent donc en économie sociale. Quels sont-ils? Bien, on peut penser notamment à la Caisse d'économie solidaire des Jardins, un des financements intéressants au départ de cette Caisse d'économie solidaire, c'est le prêt accordé au Cirque du Soleil. Oh, on va les remercier! Absolument! Ah, c'est intéressant ce qu'on fait. Oui, c'est un ancien président de la Caisse d'économie qui m'avait raconté ça en 2008. Alors, à la Fondation CSN, à Filaction, au Réseau québécois de crédit communautaire et d'autres. Ça serait un peu long de se pencher sur tous ces acteurs, mais ça pourrait présenter un certain intérêt. Oui, tout à fait, peut-être dans une autre chronique. Alors, ça semble intéressant aussi ce que vous expliquez rapidement, ce que vous expliquez sur la mission particulière du Réseau québécois de crédit communautaire, toutes les valeurs mises de l'avant, donc les objectifs qui sont poursuivis, considérés et observés dans d'autres pays pour la microfinance. Oui, je trouvais ça particulièrement intéressant. J'étais étonnée de voir que la microfinance faisait l'objet de discussions importantes au haut niveau en Europe. Alors, le crédit communautaire est offert à ceux et celles qui, souvent malgré eux, se retrouvent en dehors des réseaux sociaux et économiques conventionnels, l'économie dite classique. Depuis plus de 20 ans, le microcrédit s'organise dans les communautés locales et fait sa place au Québec. Le réseau de crédit communautaire, RQCC, regroupe 12 fonds communautaires et 11 cercles d'emprunt répartis dans toutes les régions du Québec. Quand même, hein, c'est quand même... Alors, des fonds communautaires? Oui, il y a des fonds communautaires et des cercles d'emprunt. Il y a des nuances, mais là encore, il faudrait revenir dans une chronique ultérieure parce que je ne les ai pas à l'esprit pour l'instant. Donc, on peut investir là-dedans. Tout à fait. C'est ce que je comprends. C'est-à-dire que oui, il y a des organismes qui investissent là-dedans et qui, ces cercles d'emprunt réinvestissent dans des micro-projets ou même des travailleurs autonomes peuvent faire appel à ces cercles-là. Puis, quelle valeur ça caractérise, donc, le crédit communautaire? Le réseau québécois a comme prémisse de base pour ses actions des valeurs d'entraide et de solidarité. Les pratiques de crédit communautaire passent également par la concertation, le partenariat et l'accès au réseau d'échanges communautaires. La mission du réseau, c'est de développer et promouvoir l'approche de crédit communautaire dans la perspective du mieux-être individuel et collectif et de l'élimination de la pauvreté, ce qui est un facteur important pour la qualité de vie de tout le monde dans tous les quartiers. Puis ça diminue aussi les inégalités, là. Tout à fait. Ça aide à ce que le 99% soit un peu mieux. Exactement. Alors, c'est une belle mission. Alors, des belles valeurs. Quels sont les objectifs qui sont poursuivis par le crédit communautaire? Ben, sont au nombre de 4, excusez mon bafouillage, là. La création d'emplois durables et de qualité en vue d'apporter une réponse à des besoins sociaux, économiques et culturels du milieu. C'est de permettre à des personnes sans emploi et qui vivent de la précarité économique d'accéder à du financement pour un projet d'entreprise individuelle, collective ou de travail autonome. C'est de remettre en action des personnes exclues de la vie économique, sociale, culturelle et politique de leur communauté. C'est aussi de combattre la pauvreté en contribuant à la revitalisation de territoires défavorisés. Excellent. Alors, si on est travailleur autonome, on peut avoir accès au crédit communautaire. Oui. Excellent. Alors, on a juste à aller voir le Réseau québécois du crédit communautaire. Tout à fait. Un de ses membres. Oui, bien sûr. Donc, c'est bon à savoir. Tout à fait. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Oui, ça m'intéresse. Pour revenir à la mission que le CAP finance s'est donnée. Alors, peut-être pour nous rappeler, quelle est-elle cette mission? C'est une mission à 3 volets. Devenir un lieu de partage et d'échange pour le financement d'entreprises d'économie sociale, mais aussi d'entreprises engagées dans une démarche de développement durable. favoriser la responsabilité sociale d'intervenants financiers pour soutenir une économie plus respectueuse des personnes et des ressources de la planète, et faire reconnaître la finance responsable comme un milieu d'expertise, de transparence et de responsabilité. Mm-hmm. C'est cohérent avec son nom. C'est un côté citoyen. Tout à fait, qui me plaît beaucoup. Oui, oui. Pour terminer, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il existe au Québec une autre finance, une finance un peu plus démocratique, si j'oserais dire? Mm-hmm. Peut-être une finance qui vise le mieux-être des communautés et le long terme, davantage que la finance qui est plus classique que celle qu'on connaît là, avec les marchés boursiers, donc dont les objectifs sont de faire le maximum de profit sans nécessairement tenir compte des impacts négatifs des décisions qui sont prises sur les populations, par exemple. Tout à fait. C'est ce que j'ai essayé de faire ressortir, cette finance à l'abri des abus financiers qui ont caractérisé la très récente crise, qui est associée donc au développement de l'économie sociale, mais elle peut l'être aussi à des innovations sociales comme les entreprises qui veulent inscrire leur démarche dans une démarche de développement durable. Donc, une finance qui dessert des objectifs sociétaux en générant des rendements raisonnables. Excellent. On aime ça, cette belle finance solidaire-là. Bien, et plus inclusive. Oui, alors elle va peut-être avoir l'occasion de se développer davantage dans les prochaines années. On le souhaite. Oui, hein, en tout cas. Sinon, on va peut-être frapper un mur, on ne le sait pas. Alors, vraisemblablement. Alors, juste rappeler ceux qui sont intéressés par le livre que vous nous avez mentionné en début d'émission. Alors, le livre qui est associé au monde de la finance, donc c'est L'autre finance, existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste? Donc, il est paru en octobre 2011, donc c'est très récent, et qui sont les auteurs, donc Daniel Bachet et Philippe Nazalzi. Bon, je vais me pratiquer moi aussi. Mais donc, c'est L'autre finance, existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste pour avoir accès à ce livre-là? Et ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur les acteurs, donc le réseau d'investissement social au Québec, dont le risque, également la fiducie du chantier de l'économie sociale et également le CAP Finance que vous avez parlé. Et le réseau québécois du crédit communautaire. Oui. Qui est comme l'espèce de tête de pont des instances en région. Excellent. Alors, merci beaucoup, Nicole Moreau, pour cette fabuleuse chronique sur l'économie sociale qu'on apprécie toujours à chaque mois. Alors, on se revoit dans un mois. Pour nous, on va prendre... On s'en va en musique. Oui, une petite pause musicale. Alors, Michel, bonjour Michel. Bonjour. Alors, bonjour. Voici la voix bonjour, de notre Nicole. Réalisateur de l'émission. Oui. Écoute, tantôt, on a tenté, si Claude nous entend quelque part à Montréal, on a tenté en vain de le rejoindre. On va se reprendre, on va sûrement avoir l'occasion de se reprendre. Oui, exactement. Alors, tu nous proposes quelle pièce? Ménestrel, d'une compositrice qui s'appelle Vlaka, et qui offre ses compositions en musique, en téléchargement libre, gratuit sur Internet. Tout ça va être sur notre nouveau blog. Je vais en parler tantôt, justement. Alors, on écoute Ménestrel. Au dîner. Téléchargement libre et gratuit sur le site dont vous allez avoir les coordonnées sur notre tout nouveau blog, legraindesableqc.org. Alors, vous écoutez Le Grain de Sable sur CKRL 89.1. Nous sommes en compagnie de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec. Alors, bonjour Claude. Bonjour. Bienvenue au Grain de Sable. Alors, on pourrait peut-être commencer par une brève présentation. Alors, nos auditeurs sont sans doute curieux d'en savoir un peu plus sur vous, s'ils ne vous connaissent pas déjà. Alors, si je peux me permettre, vous n'avez sûrement pas fait en date du 8 janvier plus du double du salaire moyen canadien en occupant le poste de président d'Attaque Québec, comme certains dirigeants de la grande entreprise, n'est-ce pas? Alors, donc une information qui avait été révélée en début janvier. Alors, que faites-vous dans la vie? Oui, ben, je suis enseignant, je suis aussi auteur, écrivain, je participe à la revue Abador, entre autres, j'écris dans différents journaux. Voilà, c'est comme ça. J'essaie d'être un citoyen informé et qui essaie de faire partager ce que je sais aux autres. Oui, on l'apprécie beaucoup. Alors, aujourd'hui, donc, on avait envie de vous entendre sur les perspectives 2012 qui rejoint les grands thèmes, dans le fond, les thèmes principaux des enjeux prioritaires d'Attaque Québec. Alors, allons-y maintenant avec, donc, comme premier thème qui a été choisi par les membres d'Attaque Québec, donc les fameux paradis fiscaux. Qu'est-ce que vous envisagez sur ce front en 2012? Ben, d'abord, ça va être une année très difficile parce que de nos gouvernements, il ne faut pas s'attendre à une réponse très positive. Ce qu'ils ont adopté récemment, c'est des choses qui vont vraiment à l'encontre de ce que nous on prône. Par exemple, le gouvernement fédéral a signé un accord qui s'appelle un accord d'échange de renseignements en matière fiscale. Ça a l'air super, hein, comme ça. Mais ça ne s'attaque pas du tout au secret bancaire. Au contraire, ça permet davantage, plus facilement, aux compagnies puis aux individus qui ont de l'argent placé dans les paradis fiscaux de les rapatrier ici sans payer d'impôts. Donc, c'est un problème. Et le gouvernement provincial, lui, s'est attaqué à l'évasion fiscale, mais je pense qu'on s'en est tous rendu compte un petit peu, là. S'est attaqué surtout aux restaurateurs, aux coiffeurs, à l'économie, au noir, mais vraiment pas, là, à ce qui est beaucoup plus grave, à notre avis, beaucoup plus important, c'est-à-dire l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux. Donc, et l'évitement fiscal aussi. Donc, on a tout un travail de sensibilisation, je dirais, de nos élus à faire. Et puis, ben voilà, on va essayer de s'y mettre à Attaque Québec. Excellent. Alors, et comme deuxième enjeu, vous avez parlé le libre-échange avec l'Europe. Oui, ça aussi, c'est un gros dossier et qui va... les gouvernements européens et canadiens ont l'intention de ratifier l'accord cette année. Donc, l'objectif qu'ils se sont donné, c'est... probablement juin, il reste énormément de choses à régler dans cet accord et on sait, nous, que les populations ne sont pas gagnantes là-dedans. Par exemple, dans cet accord, il y a toute l'idée d'offrir le marché public québécois aux compagnies européennes. Le marché public. C'est un contrôle de ça. Il y a aussi un chapitre sur l'investissement qui permet aux compagnies de poursuivre directement les gouvernements. À notre avis, c'est très grave. Il y a énormément de choses qui sont négociées, tout ça en secret. Alors, nous, on essaie, comme depuis le départ, depuis que les négociations sont lancées, de mettre la lumière là-dessus. Et je pense qu'on va avoir un travail énorme à faire cette année, surtout si la ratification est vraiment un processus avancé. Alors, Alors, ça va se poursuivre là-dessus avec le libre-échange avec l'Europe à surveiller. Et troisième enjeu, mais non le moindre, puisqu'il est au cœur même de l'existence d'Attaque Québec, la fameuse taxe sur les transactions financières, donc taxe Tobin. Qu'est-ce que vous envisagez pour 2012? Disons que l'année dernière, on a fait des pas de géant là-dedans, là, parce que on pensait, quand on a lancé l'attaque, qu'on verrait peut-être pas ça notre vivant, cette taxe sur les transactions financières. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de chefs d'État, d'économistes, il y a même des gens d'affaires qui sont en faveur de cette taxe. Maintenant, il y a plusieurs gouvernements donc qui se sont avancés là-dessus, le gouvernement Merkel et le gouvernement Sarkozy en France. Maintenant, c'est à savoir quel type de taxe va se mettre en place. Est-ce qu'on va avoir aussi des pressions assez fortes de la population pour mettre ça en place? Au Canada, on est vraiment mal pris ici parce que notre cher Stephen Harper a vraiment aucune intention d'avancer là-dedans. Et non seulement il n'a pas l'intention d'avancer, mais c'est un adversaire prononcé de la taxe. Il y a quand même des gens ici au Québec, surtout dans le courant Occupons Montréal, Occupons Québec, qui sont vraiment derrière ça, qui veulent se servir de ça pour lancer cette idée-là, la faire connaître un petit peu plus. Il y a eu des manifestations à Montréal, entre autres, en faveur de la taxe Robin des Bois. Donc, on a quand même du travail à faire ici au Canada, mais si le dossier avance, maintenant, il reste à savoir s'il va avancer dans la direction dans laquelle on veut qu'il aille. Alors, j'ai l'impression que ce sera une année qui sera remplie de défis et de mobilisation citoyenne. Oui, tout à fait. Ah oui, une année bien remplie pour Attaque. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, je vous remercie, M. Vaillancourt, de votre passage à l'émission. Et on va avoir l'occasion de se reparler bientôt. Oui. Alors, donc, Michel, donc notre réalisateur. Bonjour, Claude. Oui, bonjour, Michel. Oui. C'est ce qu'il me disait. Donc, on va avoir l'occasion d'entendre vos éditoriels hebdomadaires. Oui, on apprécie beaucoup, Claude, ta participation à l'émission de façon régulière. Ça va être un plus pour l'émission. Ça me fait plaisir. Bon. Alors, merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine. Oui, merci et au revoir. Alors, en terminant, au revoir. Au revoir. En terminant cet entretien, j'informe nos auditeurs que Claude Vaillancourt fera désormais un éditorial chaque semaine dans le cadre de notre émission. Je me tourne maintenant vers Michel Monette. Bonjour. Bonjour, alors qui bonjour. qui rappelle pour la mise en onde aussi aujourd'hui. Alors. les auditeurs qui me connaissent à l'émission La Capitale Blog, que je fais le dimanche de 11h à midi, savent que j'ai toujours un peu de difficultés avec les boutons. Bon, en tout cas, c'est fait. Et d'autant plus, c'était une première. Oui, on a brisé la glace ensemble. Je suis très content qu'on ait réussi à joindre Claude. Oui, moi aussi d'ailleurs. Tellement intéressant. Oui, effectivement. Et c'est vraiment un court aperçu que vous venez d'entendre, chers auditeurs. Et vous avez l'occasion, on a partagé sur notre page Facebook la conférence qu'il a donnée justement sur ces trois enjeux-là. À Montréal, lors d'une conférence à Occupation Montréal. Donc, je vous invite également, si vous avez été interpellé par les thèmes qui ont été abordés aujourd'hui, donc vous allez, Claude Vaillancourt, les détails plus dans cette fameuse conférence. Oui, et je l'ai ajouté aussi. Hier, j'ai publié un billet sur notre tout nouveau blog, le grainsalqc.org, et je l'ai ajouté dans ce billet que j'ai publié hier en avant-première de l'émission. Et je voudrais signaler aussi, Valérie, que j'ai aussi démarré une page sur Google Plus. Ah oui? Alors, on est dans Facebook, on est dans Google Plus, on est sur un blog. Oui, alors on va parler de nous. Il ne nous manque plus que Twitter et un réseau aussi que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas de page pour les groupes, c'est Diaspora. Ça, j'invite les gens à s'inscrire à la Diaspora quand on dit que ça prend des alternatives non commerciales. Alors, Diaspora, c'en est une, l'alternative non commerciale. Qu'est-ce qu'on retrouve sur Diaspora? En fait, c'est un peu l'équivalent. Diaspora, c'est un réseau qui a été démarré pour justement offrir un équivalent non commercial à Facebook. Et ce sont donc des jeunes de la Californie, je crois, je ne me rappelle plus trop, enfin, qui ont démarré ce réseau-là. Et c'est un peu, ça ressemble d'ailleurs davantage à Google+, pour ceux qui connaissent Google+, que Facebook. Certaines méchantes langues disaient que Diaspora s'était inspiré de Google Plus, mais c'est le contraire, je peux le dire. Moi, j'étais dans Diaspora avant Google Plus, et c'est vraiment le contraire. Mais moi, j'aime beaucoup cette initiative parce que l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit complètement libre de toute attache commerciale et que nos données nous appartiennent à nous surtout, qu'elles ne soient pas la propriété des entreprises où nous allons écrire toutes nos choses. Et qui peuvent les récupérer à des fins commerciales et même à d'autres fins, malheureusement. Alors, Diaspora. Voilà. Alors, Michel aussi, vous nous avez déniché pour les auditeurs quelques informations qui vont certainement les intéresser. Oui, tout à fait. Je vais y aller avec une première trouvaille, justement, en rapport avec les transactions financières. On parlait de la fameuse taxe sur les transactions financières, mais... Les transactions financières, c'est une préoccupation de plus en plus grande dans la société civile parce que les financiers contrôlent une bonne partie de ce qui se passe dans la vie réelle, dans l'économie qu'on appelle l'économie réelle, et malheureusement spéculent de plus en plus et nous font faire des yo-yo de plus en plus qui font que des entreprises sont obligées de fermer. Par exemple, ils achètent une entreprise et quelques mois après, ils mettent à pied à peu près tout le monde pour récupérer leur mise, leur bille, tout simplement. Alors, ça s'appelle... C'est une conférence par Mireille Zicky et Étienne Chouard qu'ils avaient présenté je crois que c'est en novembre dernier. L'État et les banques, les dessous d'un hold-up historique. Et il y a elle est incroyable et elle raconte comment notre ami Soros, vous savez, ce financier finalement qui a fait des milliards il y a quelques années de ça, et notre ami Soros finalement et quelques autres, en fait c'est quatre ce qu'on appelle des... je m'excuse, là, je n'ai pas le nom. Des hedge funds, merci Valérie. Ce sont quatre hedge funds, finalement, qui se sont réunis dans un restaurant à New York et qui ont décidé carrément... Bon, ils se sont dit, quelle astuce on pourrait trouver pour faire tomber l'euro et réaliser des profits fabuleux en faisant tomber l'euro? Elle raconte tout ça, elle dit c'est véridique. Ça a été raconté par un journaliste quelque part aux États-Unis. Elle raconte ça et elle dit, mais c'est quand même incroyable. Et ils ont dit, bon, ben on va commencer par la Grèce. Tiens, c'est le talon d'Achille de l'euro, la Grèce. On va commencer par faire tomber la Grèce. Et puis, leur objectif, c'est véritablement de faire tomber l'euro. Exactement. C'est incroyable. Et il faut l'écouter, Mira Zaki. Oui. Il faut écouter cette conférence. C'est fabuleux. Et en lien avec ça, il y a des CEO au Québec. Il y a Louis Gill, l'économiste Louis Gill, qui a fait un ouvrage qui s'appelle « La crise financière et monétaire mondiale, endettement, spéculation, austérité ». Il faut lire cet ouvrage. Ça se lit bien. Louis Gill, c'est un économiste... qui était à l'UQAM. Il est à la retraite, je crois, présentement, mais qui régulièrement intervient. Enfin, je dis régulièrement, mais quand les gens l'invitent à intervenir, parce que malheureusement, à la radio, à la télé, on a plutôt tendance à choisir des économistes de droite, des économistes qui vont conforter la position officielle sur l'économie, alors que Louis Gill a une position plutôt contraire, finalement, plutôt de gauche. C'est un autre type d'explication qui est en fait beaucoup plus pertinente. Mais enfin, ça, c'est tout un débat qu'on pourra entreprendre à un moment donné. On aura l'occasion cette année. Donc, Louis Gill, finalement, a fait des ouvrages sur le budget, sur les finances au Québec, et il a fait ce dernier ouvrage. Si vous tapez Louis Gill dans votre engin de recherche favori, vous allez tomber sur des choses intéressantes à son propos. Voilà, c'était les choses, finalement, que j'avais trouvées pour les sujets, finalement, de lecture ou d'écoute que j'avais trouvés pour nos auditeurs qui peuvent se rendre sur notre blog, dans Facebook, dans Google+, peut-être dans Twitter aussi, on verra. Selon le temps disponible. Et ça, c'est autre chose. Je voulais juste mentionner aussi que tu avais mis un discours que Claude Vaillancourt a prononcé devant les indignés de Montréal. Oui, oui. Donc, je le rappelle. Alors, merci, Michel, pour autant d'implications et aussi autant d'ajouter le volet plus technologique à cette émission. je tiens à le mentionner, et également pour ses fabuleuses trouvailles riches en matière de réflexion, je vous l'assure, à visionner absolument. C'est un beau cours d'économie 101, version année 2000. Alors, le mot de la fin, c'est déjà le mot de la fin. Alors, merci beaucoup à tous les collaborateurs, à Nicole Moreau pour sa chronique sur l'économie sociale, toujours aussi percutante, Claude Vaillancourt, qu'on va entendre désormais toutes les semaines dans un cours éditorial, et également Cédric Leterme qui fera une chronique mensuelle depuis la Belgique. Grand merci à Michel Monette qui, en plus d'assurer la réalisation de l'émission, s'investit à fond pour approfondir les nouvelles les plus alternatives de l'actualité internationale. Alors, merci de partager cette vision. À surveiller cette semaine les apartistes qui sont en ville jeudi le 12 janvier. Alors, à découvrir ces alters humoristes. Et aussi, il reste la pétition à signer contre l'accord du libre-échange Europe-Canada sur le site de l'Assemblée nationale. Alors maintenant, c'est l'heure de conte de fées avec Olivia Vu et son équipe. Alors, mon nom est Valérie Blouin. On se retrouve samedi prochain à compter de midi pour une nouvelle édition du Grain de sable. À la semaine prochaine!